Chapitre 11. Système Hetzal, espace interplanétaire. Quarante minutes avant l'impact. Une file de quatre vaisseaux qui transportaient environ 3500 passagers s'éloignait à une vitesse constante de Hetzal Prime. Ils cherchaient à s'abriter du barrage de projectiles mortels qui avait fait irruption dans la zone et continuait à semer le chaos. Partout régnait la destruction. Depuis les confins du système jusqu'aux stations d'extraction de gaz proches des trois soleils qui assuraient à Hetzal des saisons fertiles continues. Deux des vaisseaux étaient des appareils de plaisance, et les deux autres des cargos reconvertis pour la durée de la période d'urgence. Les premiers pouvaient atteindre des vitesses bien supérieures, mais les quatre capitaines avaient préféré rester ensemble durant leur trajet hors du système pour pouvoir se porter respectivement secours en cas de besoin. Dans son ordre d'évacuation, le ministre Eka avait demandé à tous les vaisseaux de gagner une distance de sécurité minimale, sans plus expliciter cette formule floue. Pour déterminer la trajectoire à suivre afin de se mettre à l'abri, les capitaines s'appuyaient sur le vaisseau de la République qui avait pénétré dans le système au début de la crise. Ils coordonnaient les efforts depuis la surface de Hetzal Prime en diffusant un flux de données actualisées. Les capitaines pouvaient y suivre la course de la multitude de projectiles mortels qui s'abattaient sur le système, ainsi ils avaient une vague idée des zones sûres où se rendre. Compte tenu de ce qu'ils voyaient en ce moment, il ne tarderait pas à sortir de la région dangereuse. Et ensuite, quel sort les attendait? Apparemment, les agents de la République et leurs collègues Jedi étaient en train de mettre une sorte de plan à exécution. Mais aucun d'eux n'en connaissait la nature, et tous ignoraient quand ils pourraient regagner leur monde d'origine. Pour peu qu'ils le puissent un jour. De ce qu'ils en savaient, la situation pouvait bien ne pas s'améliorer. Auquel cas il ne remettrait jamais plus les pieds sur Hetzal Prime. Et en cela, ils avaient raison. En un clin d'œil, les vaisseaux avaient disparu, remplacés par quatre bulles qui se déployaient lentement, des bulles composées de feu, de vapeur, de métaux déchirés et des restes atomisés des milliers de passagers qu'ils transportaient. Un des projectiles avait émergé de l'hyperespace au beau milieu de leur trajectoire. Et comme les appareils voyageaient groupés par souci de sécurité, ils les avaient transpercés un par un tel une brochette de morceaux de viande. Les vaisseaux n'existaient plus. Sur le Third Horizon, le maître Jedi Avar Kriss entendit le brusque silence de toutes ces âmes qui venaient de disparaître à jamais dans la Force. Elle pinça les lèvres. Elle n'arrêta pas d'écouter. Quelque chose la dérangeait, une note dissonante dans la mélodie. Elle cherchait à comprendre ce qu'elle entendait de toute la force de ses perceptions, sachant bien qu'elle poussait ses capacités à leurs limites. Trop d'événements se bousculaient ensemble dans le système Hetzal, et son esprit n'était pas vraiment capable de les appréhender tous. Elle insistait, s'efforçant d'obliger la force à lui révéler la réponse, mais elle savait qu'elle faisait fausse route. Il lui fallait prendre du recul, ne pas forcer les choses. Laisser la force prodiguer ses bienfaits conformément à sa volonté, en son temps. Avar modéra son souffle, le rythme de son cœur. Puis elle sentit le calme revenir dans son esprit et son âme. Elle tendit de nouveau l'oreille, attentive à la fausse note. Au même instant, un projectile finit par percuter la surface de Hetzal Prime en pleine mer, détruisant des milliers de kilomètres carrés de fermes d'algues, provoquant un jaillissement de vapeur dans l'atmosphère et répandant des tsunamis dans un vaste cercle qui s'étendait à vive allure. Des habitants moururent, mais des centaines, pas des milliers ou des millions, car les fermes très automatisées étaient principalement gérées par des droïdes. Sans doute que d'autres allaient succomber lorsque les vagues atteindraient la côte, mais la catastrophe aurait pu être pire, bien pire. Le fragment était de petite taille, et l'eau l'ayant énormément ralenti, il n'avait pas pénétré la croûte planétaire. Une fausse note, certes, mais guère différente des touches d'horreur et de souffrance qu'elle percevait par ailleurs. Le système restait déséquilibré, malgré les efforts des Jedi et de la République pour le sauver. Non. Ce n'était pas une fausse note qu'elle cherchait. C'était une absence de note. Il y avait un vide au beau milieu de ce que discernait sa conscience. Quelque chose qu'elle n'entendait pas et que la force cherchait à lui montrer. Mais elle canalisait trop d'informations complexes et elles accaparaient sa concentration. Les anomalies, la terreur des gens qui se trouvaient à bord de certaines d'entre elles, ses propres équipes s'efforçant d'intervenir, et le réseau de la vie elle-même au sein du système. Quelque chose lui échappait. Et si elle ne trouvait pas un moyen de l'entendre, elle craignait bien que tous leurs efforts, au bout du compte, ne serviraient à rien. Avar Chris ouvrit son esprit le plus largement possible. Et elle écouta.